la présentation un peu que j'ai préparée. Alors, vous n'hésiterez pas à m'interrompre, ben, d'abord si je ne parle pas assez fort, et puis aussi s'il y a des points que vous jugez incompréhensibles, enfin, ou mal compréhensibles. Sinon, pour des questions vraiment de débat, je propose de me laisser faire l'intervention, je vais essayer d'être assez court, et puis que les questions de fond un peu qui se posent soient posées à la fin, qu'il y ait un débat là-dessus, avant qu'on ne passe donc au fonctionnement en petit groupe. Si je veux m'excuser parce que je n'ai pas réussi vraiment à trouver un plan auquel me conformer, ce qui fait que j'ai un petit peu peur que ma présentation elle fasse des allers-retours et qu'elle ne soit pas toujours très construite. Bon, on verra ce que je vais arriver à faire. Voilà. Et donc, le sujet que j'ai proposé, c'est pour en finir avec l'idée d'humanité, parce que c'est, à mon avis, c'est un sujet qui est crucial par rapport à la question animale, parce que cette idée d'humanité, c'est fondamentalement l'idée qui fait obstacle à une prise en compte réelle des intérêts des autres animaux. Et simplement, c'est une question qu'on a du mal à aborder frontalement. C'est-à-dire que depuis qu'il y a des personnes qui luttent sur la question animale, c'est une question qui revient sans cesse, mais qui revient au détour d'une phrase ou au détour d'un paragraphe, mais qui n'est jamais abordée avec, à mon avis, l'importance qu'il faudrait lui accorder. Je pense parce que simplement le morceau est trop énorme. C'est une montagne à laquelle on s'affronte et qui n'est pas évidente, qui est bien défendue, quoi. C'est un morceau qui est bien défendu. J'aurais pu intituler, je pense, la présentation débat autrement que pour en finir avec l'idée d'humanité, d'une façon peut-être un peu moins polémique, enfin, mais du style pour en finir avec l'idée d'humanité et celle d'animalité, ou pour en finir avec l'humanisme, ou ce genre de formulation. Tout bonnement pour en finir avec le spécisme. C'est-à-dire que cette idée d'humanité, c'est simplement l'incarnation particulière que prend l'idéologie spéciste en mettant l'accent sur notre humanité. C'est notre humanité qui, à nous autres humains, nous donne de la valeur, et c'est le fait que cette humanité n'est pas présente chez les autres animaux qui leur retire toute valeur ou tout droit à quelques considérations que ce soit. Alors, il se trouve que cette idée d'humanité, c'est une idée absolument socle, fondamentale de notre civilisation, et ça depuis à peu près la Renaissance. Enfin, en tout cas, le mouvement récent, en tout cas, commence vraiment avec la Renaissance, avec le recul, avec la laïcisation, on va dire, du christianisme. Où avant, c'était quand même beaucoup le fait d'être chrétien qui était fondamental, qui nous donnait une identité et qui fondait notre groupe d'appartenance. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, c'était la chrétienté, le groupe d'appartenance fondamental. Et l'identité fondamentale des gens, c'était le fait d'être chrétien. Ils se définissaient comme ça. Progressivement, à partir de la Renaissance, on voit un mouvement qui se dessine et qui va s'affirmer au fil des siècles, et qui maintenant est parvenu vraiment à son apogée, qui va voir les gens se définir de plus en plus en tant qu'humains, en tant que faisant partie d'une espèce biologique d'une part, et d'autre part d'une sorte de processus anthropologique, de civilisation, de liberté, etc. Et qui va voir la notion d'humanité en tant qu'identité, donc prendre de plus en plus d'importance, s'affirmer de plus en plus comme une notion positive, et prendre de plus en plus de contenu. C'est-à-dire, c'est une notion qui va accroître les significations qu'elle peut revêtir, prendre de plus en plus de significations. Et le groupe d'appartenance fondamentale va de moins en moins être la chrétienté, là je parle de nos civilisations donc, mais de plus en plus l'humanité, prise au départ de façon quand même générale comme l'espèce biologique à laquelle on est censé appartenir, mais avec initialement énormément de réduction ou de... comment est-ce qu'on dit de, des points qui sont mineurs. Je trouve pas le mot, mais ce que je veux dire, avec beaucoup de... Par exemple, l'humanité du 18e siècle, c'est l'humanité masculine, blanche, adulte essentiellement, et riche. C'est l'humanité occidentale, c'est l'humanité dite civilisée. C'est-à-dire que la notion d'humanité, elle fait bien référence à la notion d'espèce, mais c'est pas une, l'appartenance à l'espèce en soi n'est pas suffisante pour faire pleinement partie de l'humanité. Il faut posséder un certain nombre d'autres caractéristiques pour vraiment être reconnu comme pleinement humain. Donc être homme et non femme, être adulte et non enfant, être blanc ou riche, c'est-à-dire de l'aristocratie ou de la bourgeoisie, et non de peuples d'autres continents ou pauvres. Et parce que cette notion d'humanité, elle n'a jamais été un pur fait, et d'ailleurs elle ne pourrait pas l'être, je pense que j'y reviendrai, mais ça a toujours été une notion qui, comme toutes les identités en fait, qui se pose comme étant une sorte de description d'une appartenance à un groupe. Donc l'humanité, c'est le fait d'appartenir au groupe de l'humanité. Enfin, le fait d'être humain, c'est le fait d'appartenir à l'humanité. Ça se pose comme ça, qui est quasiment une définition descriptive. Mais dans la pratique, n'est pas humain qui veut. Il faut remplir un certain nombre de critères qui se rajoutent aux critères de la simple appartenance à un groupe de type biologique. Pour être humain, il faut ne pas être inhumain. Il faut ne pas être monstrueux. Il faut ne pas être trop animal, bestial, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de comportements à remplir pour appartenir de plein droit à la catégorie. Et il y a aussi des catégories qui, de fait, quoi qu'elles fassent, vont se voir refuser un accès de plein droit à la catégorie pleine et entière. Donc je citais par exemple les femmes qui d'emblée étaient déconsidérées comme pleinement humaines et qui étaient renvoyées à l'autre pôle, au pôle opposé au pôle humanité, qui est le pôle nature. Les femmes étant un peu la part naturelle dans l'humanité, quoi. Du fait qu'elles sont investies d'une mission de procréation, etc., d'après l'idéologie patriarcale. De la même façon, les peuples colonisés ou mis en esclavage n'étaient pas pleinement des peuples, ne faisaient pas pleinement partie de l'humanité. Leur humanité était postulée comme étant incomplète et comme étant au mieux en devenir. De la même façon que les enfants, d'une certaine façon. Il leur restait à accéder à la raison, à la liberté, à la civilisation, de la même façon que les enfants. Bon, mais pour revenir à cette idée d'humanité, donc, fondamentalement, elle s'est créée d'emblée par opposition à l'animalité et à la nature. Et c'est une idée qui a été créée, je pense, fondamentalement pour diviser, pour opposer un nous et un autre. C'est ce que dit Françoise Armengaud dès 1984. Mais ce que je disais là, c'est que la plupart des gens qui sont intéressés à la question animale ont relevé ce genre de fait, même s'ils n'en ont pas fait un point central de discussion. Mais là, dans l'Encyclopédie Universalis, en 1984, Françoise Armengaud, qui est une universitaire de Nanterre, mais qui est aussi féministe, qui a beaucoup participé à la revue Nouvelles questions féministes, elle commence son texte par dire « Si l'on demande où réside la pertinence de ces catégories disjointes que sont l'animalité et l'humanité, et si l'on rappelle alors que l'homme est un animal, la seule réponse est que, selon toute apparence, il y a d'abord nous et ensuite les autres. » et que l'entreprise de classer enferme tous les autres confondus dans une même barbarie. Ce qu'elle dit, grosso modo, c'est que la pertinence des catégories animalité et humanité, elle est fondamentalement une pertinence de division, de classification, qui vise à enfermer, à créer un nous et un les autres, et à enfermer l'ensemble des autres dans une sorte d'étrangéité et de barbarie dont on est, nous, dispensé. Bon, elle a écrit un long texte, un peu intello sur ces questions-là, mais qui est quand même vachement intéressant, surtout qui date de bien avant qu'il y ait un mouvement de critique organisé des rapports humains-animaux, donc puisque ça date de 84 en France. Mais on retrouve des propos similaires aussi chez Claude Lévi-Strauss, chez Derrida, chez Florence Burga, etc. Simplement, cette notion d'humanité, c'est une notion qui est tellement centrale dans notre civilisation qu'il est extrêmement difficile de l'attaquer frontalement. Et là, le sujet un peu de cette présentation, c'est, je voudrais dire que je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de cette attaque-là. Et je pense qu'on peut pas, alors, il reste à voir comment, par contre. Mais je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de briser le tabou qu'il y a autour de l'idée d'humanité. Je pense fondamentalement qu'il s'agit d'une idée criminelle par rapport à la question animale, mais pas seulement, par rapport aussi à énormément de questions humaines. Et que c'est une question, c'est une notion qui est fondamentalement anti-éthique. C'est-à-dire que raisonner en termes de morale, en termes d'humanité, raisonner quand on raisonne en termes de morale, en termes d'humanité, c'est éviter de raisonner en termes véritablement éthiques, de la même façon que quand on raisonne par exemple en termes de nature. Quand on se pose la question, par exemple, de ce qui est humain ou de ce qui ne l'est pas, ou quand on se pose la question de ce qui est naturel ou de ce qui ne l'est pas, pour décider de ce qui serait juste ou pas, eh bien, on ne se pose justement pas la question de ce qui serait juste ou pas. On dévie la question et finalement, on la contourne et ça nous permet de ne pas nous la poser ou de ne pas nous la poser de la façon juste. Alors évidemment, la critique à laquelle je me livre, c'est une critique qui part d'un point de vue précis, qui est un point de vue animaliste et même antispéciste, donc je suis opposé au spécisme, qui est la discrimination fondée sur le critère d'espèce dont sont victimes des individus, comme le racisme ou le sexisme sont les discriminations fondées sur les critères de race ou de sexe dont sont victimes des individus. C'est-à-dire que c'est d'un point de vue égalitariste. Je suis égalitariste, je pense que l'ensemble des êtres sensibles, du fait qu'ils sont sensibles, qu'ils ressentent des sensations, ont une vie qui leur importe, ont des intérêts à défendre, qui sont des intérêts qui leur importent, à vivre bien, à vivre une vie la plus riche possible, à éviter au maximum les souffrances et les douleurs, et à vivre le plus longtemps possible la vie la plus riche possible. Et je pense qu'il n'y a aucune raison valable de ne pas prendre en compte les intérêts de l'ensemble des êtres qui ont des intérêts à défendre, et qu'il n'y a aucune raison valable de ne pas les prendre en compte de façon égale. C'est-à-dire que si ce sont des intérêts similaires, par exemple l'intérêt, d'un rat à ne pas se faire plonger la patte dans de l'eau bouillante, je pense que c'est un intérêt très similaire au mien de ne pas me faire plonger le pied dans de l'eau bouillante, quoi. Je pense que les différences sont relativement minimes et qu'il faut prendre en compte de façon similaire ces intérêts-là, même si on ne fait pas partie de la même espèce. Et donc la critique du spécisme, c'est la critique du critère d'espèce. Pour dire simplement, c'est un critère qui n'est pas moralement pertinent, c'est un critère qui n'offre aucun lien logique avec la question de comment on doit traiter quelqu'un, pas plus que le critère de la race, que le critère de l'espèce, que le critère de l'âge, etc. La seule chose qui importe, c'est l'importance des intérêts qui sont à l'œuvre. C'est cette importance-là qui doit donner de l'importance, enfin qui doit commander l'importance qu'on accorde à ce qui se passe, quoi. Et donc je suis égalitariste au sens où je considère qu'effectivement, indépendamment des critères de race, de sexe, d'espèce, etc., c'est les intérêts de tous doivent être pris en compte de façon similaire. Et donc c'est au nom de l'idée d'égalité en fait que je critique l'idée d'humanité. Et je critique l'idée d'humanité comme étant une idée qui court-circuite l'idée d'égalité. Je critique l'idée d'humanité comme étant une idée qui court-circuite l'idée d'égalité. C'est-à-dire qu'on vit à l'heure actuelle dans une civilisation où selon qu'on soit humain ou qu'on ne soit pas humain, selon qu'on soit reconnu humain ou qu'on ne le soit pas, on a droit à des... On se voit reconnaître des droits fondamentaux et énormément d'autres droits moins importants. Enfin, les droits fondamentaux, c'est le droit à la vie, le droit à ne pas être torturé, le droit à la liberté, mais c'est aussi des droits comme le droit à la liberté de conscience, etc., etc., qui sont des droits qui sont un peu une sorte de moindre des choses si on peut effectivement vouloir vivre une vie satisfaisante dans ce monde. Et ces droits sont déniés à l'ensemble des êtres dont on dénie l'humanité, auxquels on ne reconnaît pas l'humanité. C'est-à-dire déjà, fondamentalement, l'ensemble des non-humains, un peu par définition. Mais aussi, je pense, un certain nombre d'humains... Par exemple, bon, c'est plus le cas maintenant depuis quelques décennies, mais les handicapés mentaux notamment, se sont toujours vus dénier au moins tendanciellement l'humanité. Et par exemple, ont été exterminés dans ce qu'on a appelé l'extermination douce, qui n'était pas douce du tout, sous Vichy, en France. Pendant la Seconde Guerre mondiale, simplement, on a cessé de leur donner des rations suffisantes pour leur survie. Et on estime qu'il y a eu environ 40 000 personnes handicapées qui sont mortes de faim et de maladie en 4 ans pendant la Seconde Guerre mondiale en France. Et simplement parce qu'on considérait que c'était des sous-humains. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres catégories d'humains qui se voient dénier une pleine humanité. C'est aussi ceux qui sont reconnus coupables, responsables. Et donc qu'on considère qu'ils n'ont pas été à la hauteur de leur humanité, et donc on leur retire, même si c'est pas le dit, on leur retire les avantages, les privilèges liés à la notion d'humanité. C'est ceux qu'on considère comme des criminels, des monstres, inhumains, etc. Et par exemple qui sont envoyés en prison et où ils sont victimes de ce qu'on appelle des traitements inhumains et dégradants. C'est-à-dire qu'il se voit retirer la protection de ses droits qui sont pourtant censés s'appliquer à l'ensemble des êtres humains. Quoi. La situation dans les prisons, c'est une situation qui est généralisée à l'échelle mondiale, pour laquelle aucun pouvoir ne tente un effort significatif pour que ça aille mieux. Et je pense que ça correspond à une logique profonde, qu'il ne s'agit pas d'un accident ou d'une sorte de mauvais de dysfonctionnement auquel il faudrait quand même penser un jour à remédier. Je pense qu'il y a vraiment une sorte de volonté que ça se passe comme ça, et qui est une volonté généralisée, y compris dans la population. On veut que les gens qui ont commis un crime souffrent, payent, etc. Et de fait, on voit bien dans les discussions de comptoir que la plupart des gens considèrent qu'ils n'ont plus droit aux droits humains, quoi. Bon, là, c'était des exemples. Enfin, fondamentalement, les grandes victimes de l'idée d'humanité, ce sont les non-humains. Et là, c'est que cette idée d'humanité, qui aujourd'hui se pose de façon extrêmement positive, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement aucune référence de type négatif qui est associée à cette idée-là, c'est une idée qui se pose comme liée à la gentillesse, traitée à la bonté, à la mesure, à la modération, traiter avec quelqu'un avec humanité, faire de l'humanitaire. C'est une idée qui se pose aussi comme liée à l'égalité et à l'universalisme. Les grandes déclarations pour les droits humains sont des déclarations qui se disent être des déclarations égalitaires, égalitaristes, et qui se posent comme des déclarations universalistes. Dans les faits, en tant qu'antispéciste, je ne peux que remarquer que l'idée d'égalité, elle permet de créer un groupe spécifique qui a un certain nombre de privilèges et qui est investi de droits, y compris de droits fondamentaux comme le droit de vie et de mort, le droit de torture, le droit de privation de liberté sur les autres êtres. Et qu'à ce titre-là, il ne s'agit pas d'un universalisme, mais au contraire d'un particularisme. D'une certaine façon, on peut comparer l'idée d'égalité à un nationalisme ou à un chauvinisme. C'est-à-dire qu'on a pris un groupe, on en a fait le groupe préférence, le critère moral aussi, on a fait de l'essence de ce groupe, l'essence humaine, le critère moral fondamental. On en a fait l'identité fondamentale, comme dans n'importe quel nationalisme. Et on a donc développé un chauvinisme. Dans notre civilisation, les éloges de l'humanité sont quelque chose qu'on trouve à chaque coin de ligne. On est subi un matraquage idéologique à ce niveau-là qui est général. Et en fait, donc, c'est à ce titre-là que je pense, comme n'importe quel nationalisme, qu'on peut dire qu'en fait, l'idée d'humanité, c'est la défense d'un particularisme qui est posé comme un universalisme, mais qui est un particularisme. Le véritable universalisme, ce serait l'égalitarisme, la prise en compte des intérêts de l'ensemble des êtres qui possèdent des intérêts à défendre, c'est-à-dire l'ensemble des êtres sensibles. Alors, je vais essayer de prendre un exemple qui, pour moi, peut peut-être être éclairant. Je pense qu'il faut regarder l'idée d'humanité, il faut un peu elle est nimbée de... C'est une idée qui est nimbée, mais comme toutes les idées dominantes, de naturalité. C'est-à-dire que pour nous, c'est clair, oui, on est humain, on fait partie de l'espèce humaine, évidemment que ça a une importance, évidemment que c'est un critère moral... On est né dans cette idée-là, dans cette évidence-là, et on est imprégné de ça. Notre propre conception de nous-mêmes, c'est une conception en tant qu'humain. C'est-à-dire que fondamentalement, on se reconnaît les uns les autres comme humains, on sait qu'il y a des droits et des devoirs qui sont attachés à cette notion, et soi-même, on se perçoit fondamentalement comme humain. Et non pas, par exemple, comme animal, comme être sensible, ou comme individu. On se perçoit comme individu à travers le fait qu'on se perçoit comme humain. On est individualisé parce qu'on est humain, alors que les animaux, par exemple, sont plutôt désindividualisés par leur appartenance d'espèce. On va dire, ils vont plutôt être pris comme des spécimens indistincts de leur espèce, alors que l'appartenance à l'espèce humaine, pour nous, c'est plutôt quelque chose qui nous individualise d'emblée. On est vu comme des personnes, c'est-à-dire comme des individus, comme des êtres singuliers chacun. Et alors là, j'ai perdu le fil, mais... sur cette idée d'humanité. Oui, parce que j'ai fait une digression, mais alors du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire au départ. Que c'est une évidence, oui, que c'est vraiment quelque chose dans lequel on baigne et qu'on a du mal, je pense, à déconstruire comme ça, et qu'il fallait se départir de l'idée de la naturalité de notre appartenance à l'humanité. D'abord, historiquement, ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire, je disais au Moyen-Âge, par exemple, l'appartenance fondamentale des gens, celle qui primait sur les autres, ce n'était pas tant l'humanité que la chrétienté. Je parle là de l'Occident, évidemment. Mais par exemple, dans l'Antiquité grecque, par exemple, c'était l'appartenance fondamentale, celle qui faisait qu'on se reconnaissait entre égaux, entre pairs, c'était pas du tout l'humanité, c'était la citoyenneté, c'était le fait de faire partie d'une même cité et au-delà du même monde grec, mais qui était un monde justement qui était fédéré, qui était construit en différentes cités. Mais fondamentalement, ceux qui ne faisaient pas partie de la cité, on pouvait les mettre en esclavage, par exemple. Ceux qui ne faisaient pas partie de la cité, mais qui s'installaient dans la cité, par exemple, comme marchands, c'était les métèques, qui étaient des citoyens de seconde zone. Enfin, qui n'étaient pas des citoyens, d'ailleurs, qui avaient très peu de droits par rapport aux citoyens, notamment qui n'avaient pas de droits politiques, etc. Et là, c'était vraiment l'appartenance fondamentale, c'était la cité. Dans plein d'autres civilisations, l'appartenance fondamentale, c'est pas l'humanité, c'est simplement le groupe tribal ou l'ethnie ou des groupes plus larges, mais en tout cas pas du tout l'espèce. Donc c'est un processus historique et politique qui a donné la situation actuelle où c'est l'espèce, l'appartenance à un groupe biologique qui est censé constituer notre appartenance fondamentale. Alors ce processus historique qui a amené à cette situation, évidemment on le présente toujours comme un processus positif, et effectivement il a été positif dans un certain sens, puisqu'il a vu l'inclusion de groupes humains de plus en plus larges être inclus, l'inclusion donc de groupes humains de plus en plus nombreux dans le groupe d'appartenance fondamentale, donc dans le groupe des égaux, dans le groupe de ceux qu'on considère comme ses pairs, comme ceux à qui on doit le respect. Mais en même temps, c'est un processus qui a vu se durcir la distinction d'avec les non-humains, et aussi qui a vu cette distinction d'une part se durcir, mais d'un autre côté devenir poreuse, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on incluait des groupes de plus en plus larges, en même temps on mettait en œuvre des stratégies pour refuser à des groupes le plein accès aux groupes d'appartenance fondamentale. Et donc c'était ce que je disais, les femmes, les noirs, etc., qui n'étaient pas pleinement humains, parce qu'ils étaient ressortis du camp opposé de l'humanité, qui est censé être la nature ou l'animalité. Voilà. Et donc aujourd'hui, vraiment, tout ce qui fonde l'éthique de nos sociétés, et je dis de nos sociétés maintenant, c'est à l'échelle mondiale, puisque l'humanisme, c'est une idéologie qui est pratiquement universelle. Mais du coup, non seulement l'éthique, mais ce qui en découle, c'est la politique. C'est-à-dire que l'ensemble de la politique de l'ensemble des pays du monde réfère plus ou moins explicitement à cette idée d'égalité. Il y a certains cas où c'est moins clair, et encore, je pense à des États théocratiques, mais eux-mêmes, en général, réfèrent aussi à une idée d'humanité. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où cette idée-là est une idée centrale, a priori indépassable, et d'une certaine façon taboue. En France, il y a une loi, par exemple, qui punit au pénal toute atteinte à la dignité humaine. Alors bon, qu'est-ce que la dignité humaine? Ça peut être 100 000 choses. Là, dans ce cas précis, c'est une loi qui a été mise en place pour punir des actes racistes, des trucs comme ça. Mais c'est une loi qui pourrait devenir extrêmement répressive si on accroît son champ d'application. Vu que la notion de dignité humaine, c'est une notion qui est extensible à l'infini et qui d'ailleurs fait l'objet de débats passionnés et contradictoires, par exemple entre catholiques et athées, entre partisans de l'avortement, etc., etc. Alors j'aurais aussi pu intituler d'ailleurs mon intervention « Pour en finir avec l'idée de dignité humaine ». Parce que l'idée d'humanité, c'est l'idée donc d'un groupe biologique qui est détenteur d'une dignité spécifique. Et une dignité, c'est une sorte d'honneur. C'est un mot qui signifiait plus ou moins honneur dans l'Antiquité. Moi, je dirais que c'est la version démocratique de la notion aristocratique d'honneur, quoi, la notion de dignité. Et fondamentalement, la critique antispéciste de l'idée d'humanité, c'est la critique justement du fait que notre commune humanité en soi, même si elle peut comprendre des caractéristiques qui sont un peu extraordinaires ou exceptionnelles, ne nous procure pas de dignité particulière qui devrait être refusée aux autres êtres sensibles. Alors, si au lieu de parler là d'humanité, on parle des caractéristiques qui sont habituellement associées à l'idée d'humanité, comme le fait d'être des êtres raisonnables, des êtres rationnels, des êtres de liberté, ou des êtres sociaux, des êtres de langage, des êtres qui se projettent dans l'avenir, etc., etc., des êtres d'abstraction. Enfin bon, les propres de l'homme, comme on dit, sont infinis. Je veux dire, même si on prend non pas l'idée d'humanité, mais des critères plus précis comme ces différents propres de l'homme que je viens d'énumérer, il n'y a aucune raison de considérer qu'ils doivent entraîner une dignité particulière. On ne voit pas en quoi le fait d'être raisonnable plutôt que quelqu'un qui ne l'est pas devrait entraîner une dignité particulière, ou d'être un être liberté, etc. D'être un être de liberté. Ou... D'une part, il n'y a pas d'un côté des êtres raisonnables que seraient les humains et de l'autre côté des êtres qui ne seraient pas raisonnables, comme les animaux. On sait de plus en plus qu'il y a des gradations constantes des uns aux autres. Et on sait de plus en plus, en outre, que c'est un biais anthropomorphique que de parler de gradation, c'est-à-dire une sorte de progression de l'animal vers l'humain, mais qu'en fait, on a des types d'intelligence qui peuvent être assez variés. Par exemple, il y a des types d'intelligence qui sont, par exemple, des façons de se situer dans l'espace, où des animaux vont être beaucoup plus forts, ou en termes de mémoire, ou en termes de reconnaissance de ceci ou cela, etc. C'est-à-dire que c'est pas tant à ce niveau-là. Quand on parle de gradation d'intelligence, c'est qu'on a toujours en arrière-plan une idée déjà précise de ce qu'on appelle intelligence et qui est liée à nos propres facultés, etc. Bon, d'une part, en tout cas, il y a un continuum entre l'intelligence des individus des autres espèces animales et celle des membres de l'espèce humaine. Mais en outre, au sein de l'espèce humaine, il y a beaucoup de gens qui ne correspondent pas à l'idée qu'on se fait de l'intelligence ou de la liberté humaine. C'est l'argument traditionnel des cas marginaux. Hein, c'est déjà les tout jeunes enfants, les nourrissons, mais aussi les personnes âgées, séniles, les handicapés mentaux profonds, etc. Les personnes qui ont été victimes d'accidents cérébraux, etc. Qui se voient reconnaître l'humanité et la dignité humaine spécifique sans posséder les attributs qui sont censés justifier ça. Et de fait, on ne voit pas pourquoi on devrait leur retirer les garanties des droits fondamentaux que cette dignité est censée conférer, sous prétexte que, effectivement, ils peuvent, pas calculer de la même façon ou pas réagir de façon si adéquate à des situations complexes, etc. quoi. Donc fondamentalement, cette idée d'humanité, d'un point de vue éthique, c'est une idée qui n'entretient pas de lien logique avec les conséquences qu'on en tire, c'est-à-dire la façon de traiter les gens. C'est-à-dire qu'on ne voit pas en quoi le fait d'être humain ou non humain devrait intervenir, pas plus que le fait d'être noir ou blanc, ou homme ou femme ou autre. Et donc le fait de la placer comme valeur suprême, ça n'a pas d'autre rôle que d'empêcher de considérer la notion d'égalité comme la notion éthique fondamentale, et ça n'a pas d'autre rôle que d'empêcher la prise en compte de la sensibilité, c'est-à-dire la capacité à ressentir les sensations comme critère fondamental à partir duquel on peut dire que des êtres ont des intérêts à défendre qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que cette idée d'humanité, elle joue un rôle anti-éthique, comme l'idée de nature, comme je le disais précédemment, au sens où elle vise à nous empêcher de raisonner en termes éthiques, de prise en compte des intérêts des autres. Et de fait, la morale humaniste, c'est une morale qui dit qu'il faut prendre en compte l'humanité de chacun. C'est-à-dire que ce n'est pas les intérêts de vous et moi qui doivent être pris en compte, c'est notre humanité. Et notre humanité, elle est définie indépendamment de vous et moi. Elle est définie suivant les modes sociaux du moment, Et par exemple, à l'heure actuelle, prendre en compte mon humanité, c'est par exemple considérer, prendre en compte l'humanité en moi, c'est par exemple m'interdire de me suicider ou m'interdire l'euthanasie, même si je souffre énormément, au motif que la vie humaine est sacrée. Voilà encore un cas où l'idée d'humanité se retourne contre les humains eux-mêmes. Dans d'autres cas, ça peut être considérer que des embryons, qui sont des amas de cellules qui ne ressentent encore rien, sont des êtres humains et donc doivent avoir droit à se voir reconnaître une dignité humaine et donc des droits humains fondamentaux. Et les conséquences en sont que, au nom de cette idée d'humanité, on va accorder une sorte de droit sacré à la vie, à des amas de cellules qui ne ressentent rien, et au détriment éventuel des intérêts, par exemple, de la femme qui est porte, qui, eux, sont des intérêts bien réels, bien concrets et bien présents. Ça, c'est encore, je pense, une des critiques qu'on peut faire, par exemple, des conséquences de cette idée d'égalité, du fait qu'elle court-circuite la réflexion éthique. Alors, il y a pas mal de points que je vais pas développer, sinon ça durerait trop longtemps. Alors, simplement, les points sur lesquels je voulais insister, c'est que cette idée d'humanité, elle se définit à l'encontre de l'idée de nature et de l'idée d'animalité, que je pense que toutes trois sont des notions qui sont extrêmement sujettes à caution, c'est-à-dire qui sont finalement très difficilement défendables en tant que concept précis, enfin... Par exemple, scientifique, l'idée d'humanité d'un point de vue scientifique, c'est quelque chose dont on ne sait pas ce que c'est. L'idée de nature d'un point de vue scientifique, ça n'existe pas. L'idée d'animalité d'un point de vue scientifique, on ne sait pas non plus ce que c'est. Par exemple, d'un point de vue scientifique, est-ce que l'humanité, c'est certaines caractéristiques comportementales en termes de capacité cognitive, de capacité mentale ? Est-ce que c'est au contraire un certain type de génome ? Mais même ainsi, ça veut dire quoi un type de génome ? Je veux dire, on est tous différents, on est tous porteurs de génomes différents et trouver des critères qui nous permettent de distinguer dans tous les cas un génome humain d'un génome qui n'est pas humain, ça relève du parti pris en fait, et non pas de... et non pas de quelque chose qui s'imposerait de soi-même. Est-ce que un ovule ou un spermatozoïde qui sont porteurs du génome humain sont humains, doivent être déclarés être des êtres humains, etc., etc. Je veux dire, la notion d'humanité en tant que telle est loin d'être aussi immédiate que l'idée qu'on s'en fait, quoi. Est-ce que des humains qui ont des anomalies génomiques sont toujours des humains ? Alors, par exemple, on se caractérise par un certain nombre de paires chromosomiques. Mais il se trouve qu'il y a des gens qu'on continue de considérer comme des humains qui n'ont pas le même nombre de paires chromosomiques. Ben, les trisomiques, par exemple, ils ont, je crois, un chromosome en plus, je ne sais plus. Oui. On est tous là. C'est-à-dire que même les définitions qui se veulent scientifiques, qui se veulent fonder sur des notions scientifiques, en tout cas comme le génome, l'ADN, etc., etc., sont des définitions de parti pris, sont des définitions, en fait. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment des parti pris, quoi. Et non pas... et non pas des descriptions comme ça du réel qui viendraient s'imposer d'elles-mêmes, quoi. Mais à la rigueur, c'est presque anecdotique de critiquer la notion d'humanité sous cet angle-là, mais c'est simplement pour rendre compte que cette notion est une notion construite, qu'elle résulte de choix qui sont au final des choix sociaux et politiques, des choix historiques, et qu'il ne s'agit pas du tout, comme on le ressent, comme on a appris à le ressentir dans notre civilisation, de quelque chose qui irait de soi. Voilà. Et tant que le critère fondamental, la valeur fondamentale de nos sociétés, en termes politiques et en termes éthiques, restera la notion d'humanité, c'est-à-dire une notion fondamentalement spéciste, c'est bien clair que les animaux continueront à en faire les frais. Alors, on peut imaginer des spécismes soft ou des humanismes soft qui reconnaissent dans les animaux des sortes de frères inférieurs, mais on reste dans une pensée hiérarchisée à ce moment-là, et on reste dans une pensée, au final, du mépris. C'est-à-dire dans une pensée, le problème, d'une certaine façon, est même pas tant le mépris que le fait que la pensée soit une pensée de la hiérarchie, c'est-à-dire du plus et du moins. Fondamentalement, l'idée d'humanité, qui se pose pourtant à l'heure actuelle comme une idée liée à l'idée d'égalité, comme une idée égalitariste, etc., c'est une idée qui pose la question en termes de supérieur et d'inférieur. Les notions, on est plus ou moins humain, et il faut l'être sans cesse plus. Et par exemple, les notions qui ne sont pas des notions qui sont utilisées couramment, mais qui ont eu cours à des époques de l'histoire et qui ont fait des ravages, de surhumain ou de sous-humain, je pense que ce sont des notions fondamentales liées à la notion d'humanité. Ce n'étaient pas des accidents, c'était ces notions de sous-humain et de surhumain sont des notions qui révèlent en fait fondamentalement la réalité de l'idée d'humanité. Et parce que effectivement l'idée d'humanité, elle est d'emblée tout entière construite par opposition, par distinction d'avec l'idée d'animalité. Et par opposition et par distinction, en fait quand je dis par distinction, c'est à prendre dans les deux termes du mot, c'est-à-dire que se distinguer, c'est à la fois se différencier et c'est aussi à la fois se valoriser. Quelqu'un qui est distingué, c'est quelqu'un qui est... Oui, c'est se valoriser, c'est se... Et fondamentalement, cette idée d'humanité, d'emblée, dès son origine, c'est une idée fondée sur la volonté de se distinguer, donc dans ces deux sens du terme, se différencier et se valoriser, donc se valoriser au détriment de ceux dont on se différencie. Voilà. Et donc, pour en revenir à mon sujet, et puis je vais un peu conclure là-dessus, et puis en fait, il y a plein de sujets que je n'aurais pas abordés, mais ça va durer trop longtemps, sinon, puis on y reviendra peut-être dans les jeux de questions-réponses et autres. Mais je pense qu'on a tout intérêt à essayer, dans notre militantisme, par rapport à la question animale, d'attaquer l'idée d'humanité, de la fragiliser en tout cas, parce que c'est une idée qui est extrêmement ancrée, extrêmement difficile à fragiliser, de la subvertir pour lui ôter son degré d'évidence, son caractère d'évidence naturelle, et pour essayer de la faire apparaître pour ce qu'elle est, un construit politique, et un construit politique qui n'est pas neutre, qui n'est pas gentillet, comme vise à le rendre l'idéologie humaniste dans laquelle on baigne, mais qui est un construit politique lié à des systèmes de domination qui sont monstrueux, qui sont sanguinaires. Et sans lesquelles elle n'aurait pas de sens. C'est-à-dire que si on ne vivait pas dans un monde où les non-humains sont exploités, comme je le disais, de façon absolument monstrueuse, sans scrupules et sans aucun respect du strict minimum du moindre petit droit, si on ne vivait pas dans un tel monde, cette idée d'humanité, on se demande bien à quoi elle pourrait servir, quel usage elle trouverait, pourquoi on se référerait à elle. Voilà. Et je pense que fondamentalement, cette idée d'humanité, elle est liée au système de domination et elle disparaîtra avec lui. Et je pense que par contre, inversement, pour lutter contre le système de domination spéciste, c'est assez fondamental de tenter de miner cette idée-là, quoi. Ce que je vous propose, c'est que je m'arrête là, quitte à revenir sur des points soit que j'ai pas traité, soit que j'ai traité trop vite ou mal. Qu'on prenne une demi-heure pour en discuter tous ensemble et qu'ensuite on fasse les discussions autour de cette question-là en petits groupes. Ça vous va ? Il est 11h02. On se prend une demi-heure là, ce que je propose, c'est une discussion, enfin, ou alors soit un jeu de questions-réponses avec moi, soit une discussion plus large où les gens se répondent, mais autour de ce que je viens de dire. Déjà, peut-être essayer d'y clarifier s'il y a des trucs qui semblent confus ou qui semblent obscurs. Et qu'ensuite, on fasse des discussions en petits groupes. Est-ce que quelqu'un ferait la modération pour veiller à ce qu'on ne se coupe pas la parole, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui parlent? Ouais. Alors, j'approuve totalement ton analyse. En fait, c'est l'histoire d'une idéologie qui est apparue dans plusieurs continents de supériorité. Je suis d'accord avec tout. Il est évident que tu parles d'un point de vue athée, pour moi. Moi, je pars d'un point de vue métaphysique, mais sans religion. Je ne suis ni chrétienne, ni hindouiste, ni rien de tout ça. Mais mon point de vue est métaphysique dans le sens qu'il induit une sensibilité au vivant, une unité de tout ce qui est vivant, et qui peut apporter beaucoup d'évolution, je pense. Donc, je souhaiterais, s'il y a des gens qui sont d'accord, faire un petit groupe pour élaborer tous ces points. Ensuite, je voudrais venir sur des phénomènes historiques qui manquent dans mon analyse, à savoir que la chrétienté est évidemment un foutu bordel, je suis d'accord, mais il y a eu durant ces siècles des choses complètement éradiquées dont on ne parle dans aucun livre d'histoire, à savoir, par exemple, les sorcières du Moyen-Âge, c'était des femmes qui avaient thérapeutes qui n'étaient pas dans l'orthodoxie chrétienne, qui avaient émancipé dans leur être cette métaphysique dont je parle, qu'en arrière on appellerait des tantriques, elles avaient développé une énergie sexuelle, attention, c'est pas la sexualité, la sexualité est un mode d'emploi de l'énergie sexuelle, mais elle l'avait fait fleurir dans telle sorte qu'elle pouvait avoir beaucoup d'empathie pour les malades, tous les êtres, et être de grandes guérisseuses. Ce phénomène a eu lieu en Europe, on a tué des gens par millions, hein, c'est des sorcières, en Orient, pareil, ça n'induisait pas de pouvoir de l'homme sur la femme, donc pas de pouvoir politique, donc derrière tout ça, cette idéologie de l'humanité, il y avait le besoin de dominer, c'est très juste. Mais pourquoi ce besoin de dominer? Alors là, c'est encore autre chose, et je souhaiterais vraiment faire un groupe là-dessus. Pourquoi y a-t-il ce besoin de dominer? Pourquoi sommes-nous cruels? Est-ce qu'il n'y a pas des raisons liées à un déficit d'animalité, à savoir qu'on a ratiboisé dans notre éducation très tôt, avec des notions de culpabilité, de sale, impur, etc., la fonction sexuelle? Ceci dit, je ne suis pas une fanade de William Rech qui a parlé de la fonction sexuelle. C'est une chose importante, certes, mais il y a bien plus large que ça dans le développement subtil de l'énergie sexuelle. Alors, on ne va pas confondre quand je dis faim et alimentation, l'appétit, c'est une chose. Moi, je parle de l'énergie sexuelle et la sexualité est un mode d'emploi dont on peut discuter à l'infini. Mais certaines ont fait leur preuve, d'autres ont été absolument destructrices dans le monde. Donc historiquement, il manque ces deux notions, l'éradication de mode de vie qui englobait tout le vivant et donnait une société beaucoup plus égalitariste. Et ça, si les gens s'intéressent, moi j'ai beaucoup posé ces choses-là. Et un dernier point, il y a toutes les données scientifiques actuelles sur l'ouverture du cerveau droit. Ce n'est pas une élucubration, il y a des neurochirurgiens, j'ai un des petits livres connus à ce sujet, à l'occasion d'un AVC, des neurochirurgiens eux-mêmes victimes d'un AVC ont fait l'expérience que dans notre culture, on développe surtout le cerveau gauche et que si par accident ou aventure métaphysique on arrive à épanouir le cerveau droit, il y a automatiquement une empathie qui se développe. Alors c'est scientifique, hein, c'est pas une fumeux, et je trouve que ces deux ouvertures-là, le déficit de la vraie animalité, je pense que l'être humain est jaloux quelque part de la sexualité animale, même si on a mis le mot bestial à plus d'exemple là-dessus, il y a une richesse, une célébration, une jouissance de que l'homme n'a plus. Tous les sexologues sont d'accord là-dessus. Au bout de 3 ans, les relations de couple sont ternes et ennuyeuses. Mais ce n'est pas définitif, justement, parce qu'on n'a pas trouvé le mode d'emploi juste de cette manière. Voilà. Donc ça, c'est des points que je trouve passionnants, parce que moi, c'est par la souffrance énorme que je ressentais dans la cruauté que j'ai eu une réponse. D'où ça vient. Moi, c'est seulement les conclusions, mais d'autres les partagent, parce que... Alors, oui, ça me fait penser qu'il y a un point important que j'ai complètement oublié d'aborder. Effectivement, il y a eu un élargissement, et en même temps, il y a eu une sorte de... Mais on en revient là. Mais en tout cas, il y a eu une rigidification des frontières en même temps. La frontière entre l'humanité et l'animalité a été vraiment bétonnée. Voilà, elle est en train de se fissurer de toutes parts, ce qui est une très bonne chose, je pense. Mais effectivement, je pense que la révolution morale et politique que peut amener la critique du spécisme, c'est aussi une révolution qui permet de rompre avec le système des appartenances. C'est-à-dire, jusqu'à présent, tous nos systèmes éthiques ont fonctionné sur des systèmes d'appartenance. Là, je parlais de l'humanité comme groupe fondamental d'appartenance qui conditionne la façon dont on est traité. C'est-à-dire que jusqu'à présent, qu'il s'agisse de la citoyenneté grecque ou romaine, ou de la chrétienté médiévale, ou de l'humanité contemporaine, c'est parce qu'on fait partie du groupe qui est reconnu comme étant le groupe socle, le groupe fondamental, qu'on a des droits, qu'on soit respecté, entre guillemets, qu'on voit nos intérêts être pris en compte, plus ou moins bien, peu importe, mais enfin, disons, on est censé avoir droit à avoir nos intérêts pris en compte. Mais c'est-à-dire que c'est en tant que membre d'un groupe qu'on est considéré. Et l'humanisme continue dans cette voie-là, c'est-à-dire que c'est en tant que membre d'un groupe qu'on est considéré. Et il me semble que la révolution morale à laquelle aboutit l'égalitarisme, c'est que ça n'est plus parce qu'on est membre d'un groupe qu'on va être considéré, mais parce qu'on a des intérêts à défendre du fait qu'on est sensible, parce qu'on éprouve des choses qu'il faut, et plus du tout parce qu'on appartient à un groupe. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, effectivement, après l'humanisme, voilà l'animalisme, et c'est en tant qu'animaux qu'on va être pris en compte. Mais je pense que ça serait dommage de raisonner en ces termes, parce que ça serait continuer sur un mode de fonctionnement qui est finalement négateur de la réalité importante qui est le fait qu'on possède des intérêts soi et que c'est eux qui importent, en faisant faire un détour par le groupe. Et que justement, là, on peut enfin peut-être rompre avec cette logique d'appartenance commune pour en venir, à mon avis, ce qui est la véritable éthique, qui est la prise en compte de l'autre en tant que porteur d'intérêts. Oui, mais pour moi, c'est pas le vivant, c'est parce qu'il faut que qu'il s'agisse, que tu ressentes des sensations pour que tu puisses dire que des choses t'importent. Donc c'est le vivant sensible. Ouais. Oui, non, c'est juste pour dire que je pense que la présentation de dire c'était les chrétiens de l'époque qui étaient le groupe qui importe, c'est assez. Enfin, ça correspond pas vraiment à la manière dont c'était ressenti. Je crois que ce qui s'est passé, c'est que le christianisme au départ se voulait vraiment un universalisme, mais par opposition à l'idée que le judaïsme. C'était restreindre la loi ou le salut au seul juif. Et donc, le christianisme s'est déclaré, s'est proclamé la religion universelle pour tous les humains qui étaient appelés à devenir chrétiens. C'était pas juste pour le christianisme, ah ben il y a les chrétiens, c'est le groupe de référence, et puis les autres, voilà. C'est que les autres, d'une certaine façon, ils étaient niés dans leur existence même, dans le sens que qu'un humain qui ne devenait pas chrétien, c'était un futur humain, enfin c'était un humain en devenir, il devait devenir chrétien, il devait devenir... Et je pense que ce schéma-là se retrouve beaucoup dans cette ambiguïté de l'humanisme, de savoir si, par exemple, est-ce qu'un grand criminel, est-ce que Hitler, c'était un être humain, est-ce que... Les handicapés mentaux sont des êtres humains, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la proclamation du fait que de l'universalisme de la notion, qui était le christianisme et qui était censé être l'humanité tout entière, et de l'autre côté, le fait qu'il y avait quand même cette petite condition d'entrée qui était de devenir conforme aux critères qui était ressenti comme étant un truc enfin, qui était ressenti, qui était affirmé comme étant le simple produit de la raison. C'est-à-dire que pour les discours chrétiens du départ, c'était une personne, simplement du fait d'être un être humain, donc un être rationnel, rationnellement doit reconnaître la divinité de Jésus, etc., etc., enfin, le credo chrétien. Donc c'était censé être universel, dans le sens que tous les humains ont cette raison. C'était réservé aux humains et ça impliquait qu'effectivement, à terme, l'humanité et le christianisme devaient être consubstantiels. Donc, c'était pas simplement une sorte d'identité tranquille de oui, bon, les chrétiens, on est le groupe de référence. Je pense qu'une grande partie du caractère néfaste de l'humanisme, c'est dans ce mécanisme d'ambiguïté, quoi. On fait partie du groupe, mais il y a quand même une condition pour faire partie du groupe, mais même les pires criminels sont humains, mais quand même ils sont inhumains. Ça, je pense que c'est pas que historique, c'est aussi lié à un type d'identité. C'est-à-dire que les identités dominantes se posent comme des identités naturelles, c'est-à-dire liées à une appartenance naturelle, mais nécessairement font appel à des... Il faut remplir des conditions pour pouvoir rester dans le groupe dominant. La virilité, par exemple, sont censé être masculins, tous les hommes, par définition. Tous ceux, je veux dire, qui ont un pénis, un sexe mâle, gna gna. Sauf que dans la réalité, la virilité, elle est sans cesse... À reconquérir, à réaffirmer, etc. Il faut sans cesse faire la preuve qu'on est suffisamment viril, sans quoi on va se faire lyncher par les autres hommes, en fait. On va se faire traiter comme des non-virils, comme des femmes, etc., c'est-à-dire mal. Et on a le même processus, c'est-à-dire que on a à la fois cette histoire d'appartenance à un groupe biologique, où on est censé être inconditionnel. C'est-à-dire que du moment que j'ai un pénis, je suis censé être un homme, point. Et d'un autre côté, ce qui semble complètement contradictoire, mais qui coexiste absolument en permanence, le fait que si je veux continuer de me percevoir comme un homme et pour avoir les privilèges qui y sont associés, et pour ne pas me faire lyncher par mes petits camarades, il faut sans cesse que je réaffirme ma virilité par plein de comportements. Ça peut être des blagues sexistes ou des trucs comme ça. Mais on a le, il faut, j'ai une sorte, en tant qu'homme, j'ai une sorte de standing à tenir, de la même façon qu'en tant qu'humain. Il faut que je reste à la hauteur de ma dignité d'homme, quoi, d'une certaine façon. Qui est évidemment. Et il me semble que là, du coup, ce processus-là, où à la fois mon identité m'est donnée et à la fois elle est sans cesse à reconquérir et à réaffirmer, c'est lié au fait que c'est une identité de dominant. Parce qu'on n'a pas le même processus pour l'identité de dominée. Je veux dire, bon, les femmes sont des femmes, quoi qu'elles fassent, elles n'en sortiront pas, et elles n'ont pas un standing à relever, quoi. Je veux dire, oui, mais il me semble que c'est un peu la même chose à ce niveau-là. Qui c'est la bombe à retardement. Oui. Quand elle va ressusciter, qui tira mieux. Cette histoire de dignité, elle a pris une importance fondamentale et je pense qu'elle est vraiment, de mon point de vue, elle n'est pas tenable théoriquement au niveau moral. Et politiquement, je la trouve extrêmement sujette à caution aussi. J'ai amené divers documents que je vais mettre en consultation, mais où il y a des textes qui touchent à cette critique de l'humanité et tout ça. Et notamment, là, Pour l'égalité animale, qui date de 98, c'est une revue qui paraissait en quelques milliers d'exemplaires, et où il y a un texte qui s'appelle « L'humanisme, laïcisation du christianisme », et un autre que j'avais écrit à propos des handicapés, et où je terminais, c'est sur le fait que les handicapés, justement, sont victimes de l'humanisme, en fait. Et où je signais en disant Yves Bonnardel, qui ne se sent pas vraiment humain et qui d'ailleurs refuse de revendiquer son humanité, sa dignité humaine, trop conscient de ce que l'invocation de cette dignité implique pour tous les êtres qui ne peuvent s'en réclamer. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire à un niveau politique dans cette histoire de refuser de se réclamer de l'humanité en fait et de la dignité humaine. C'est quelque chose qui, à mon avis, est difficilement entendable à l'heure actuelle. Et donc, il y a vraiment un discours à construire pour que ça devienne entendable, enfin, pour que ce soit compréhensible, quoi. Qu'on ne soit pas traité de facho immédiatement. Mais je pense que c'est quelque chose d'assez fondamental que d'attaquer sous cet angle-là, quoi. Au lieu d'humanité, est-ce qu'on ne peut pas dire chaque homme, chaque femme, chaque être, voir les choses comme ça plutôt que ce grand tout quid des gens qui ne se définissent ni comme homme ni comme femme. Chaque individu d'ailleurs. Chaque être. Je vais rebondir dessus parce que tu parles d'égalité, égalité à la femme. Parce que moi c'était humaniste, effectivement, la première fois que j'ai entendu ça, je me disais oui, je suis égalitaire. Et quand j'en en parle parce que j'ai fait aussi de l'humanitaire pour Madagascar, donc il y a des choses, protection animale, etc. Et quand on me pose la question, je dis je suis égalitaire et égalitaire, égalitariste. Et en fait, c'est très difficile à expliquer parce que c'est un très long débat, alors que, qu'il ne faut pas. Et les personnes ont du mal à comprendre. Car, ont du mal à comprendre et en un mot, je dis voilà, moi je suis pour le respect de toute forme de vie. Faire très court. Après, comment je peux débattre ça, parce que ça les dépasse. De toute façon, quand on se heurte à un système social, à une idéologie qu'il leur présente, qui est aussi ancrée, aussi fondamentale que l'idéologie humaniste, je pense qu'on ne peut que avoir des difficultés à se faire comprendre, parce que l'ensemble des mots sont piégés, et l'ensemble des... Et non seulement les mots, mais les connotations, les formules, et tout ça. Là, il y a un texte de David Olivier, que je trouve vachement bon... pour un radicalisme réaliste, mais ça date de 99, c'est vieux, mais où il parle de l'humanisme, et où il montre à quel point c'est omniprésent, la référence à l'humanité, dans plein de domaines où ça n'a rien à voir, en fait. Mais où, d'une certaine façon, la notion d'humanité a récupéré le truc pour s'en faire un attribut. Alors, si ça vous va, je vous lis assez rapide, mais je le trouve il est vraiment intéressant. La difficulté est déjà de percevoir l'humanisme. C'est que le martèlement idéologique est incessant, obsessif. Il voulait sans doute dire obsessionnel, je ne sais pas. Au point de devenir subliminal, comme le bruit des avions pour les riverains de Roissy. Il faut un effort particulier d'attention pour relever chaque référence à la supériorité de l'homme, à sa dignité toute particulière, à sa beauté et à sa bonté sans pareil. Oyez, braves gens, droit de l'homme, tout ce qui est humain nous intéresse. Ce n'est quand même pas un chien. Dignité humaine. Tous les hommes sont égaux, tous les hommes ont un cœur, chaleur humaine, liberté humaine, crime contre l'humanité, crime bestial, ne mange pas comme un cochon. Sans compter les références indirectes, plus nombreuses encore, les éloges de l'intelligence, du dépassement de soi, gratuit, le sport, voire de la station debout, qui ne sont compréhensibles que dans un schéma mental humaniste, ainsi réactivé et consolidé à chaque fois. L'humanisme, selon ce pilonnage idéologique quotidien, serait le contraire de la barbarie. Tout comme la religion, et tout particulièrement le christianisme, serait le domaine de l'altruisme et de l'amour. Le curriculum vitae de l'humanisme est pourtant fort sanglant, tout comme celui de la religion. Et ceci, y compris si on ne compte que le sang humain. C'est ainsi explicitement au nom de l'homme que furent commis les massacres nazis, staliniens et Khmer rouges. Les exemples historiques abondent, mais ce serait peu utile de les citer ici. Tant l'habitude nous a été donnée de ne voir dans chaque massacre d'humains commis au nom de l'homme qu'un accident sans rapport avec l'humanité. Tout comme la Sainte Inquisition, voire près de millénaires d'antisémitisme, serait sans rapport avec notre religion d'amour. Mais effectivement, pour massacrer 200 000 Irakiens, on a identifié Saddam Hussein à Hitler et c'est passé comme lettre à la poste, etc. quoi. Un autre moment, il dit... j'aurais retrouvé... Parce qu'il y avait un autre passage où il donnait vachement d'exemples. Bon, mais je ne le retrouve pas. Mais c'était vraiment... Et énormément de... On va traiter quelqu'un correctement, on va dire qu'on le traite humainement. On va traiter un animal correctement, on le traite humainement, etc. C'est-à-dire que la notion d'humanité va être accordée de façon complètement arbitraire à ce qu'on fait. Et ça va devenir, finalement, la notion de bonté va être attachée à la notion d'humanité, quoi. Mais c'est un artifice idéologique. C'est le même artifice qu'utilisaient les nobles sous l'Ancien Régime, avec la notion de noblesse, qui était investie de toute la positivité possible et imaginable. Et maintenant, on a gardé cette... On va dire, il a agi avec noblesse, ou des trucs comme ça. Et par contre, les vilains, ça voulait dire gueux, ça voulait dire pauvre... Et le mot vilain a gardé la signification que lui avait donnée la noblesse, c'est-à-dire c'est vilain, c'est laid, c'est horrible, etc. C'est exactement le même processus qui a eu lieu avec la notion d'humanité, quoi. C'est-à-dire que les identités dominantes, qui sont les deux identités du groupe dominant, se parent de toutes les vertus. Là, j'utilise le mot vertu. Le mot vertu, il vient du latin virtus, qui vient du mot vir qui signifie masculin, quoi. On a encore le même processus. c'est-à-dire une identité dominante qui s'approprie tous les termes positifs imaginables et qui en fait des attributs d'elle-même, quoi. Ouais. Moi, je pense qu'en pratique, on pourrait peut-être continuer à se battre pour que les applications de certaines valeurs humanistes soient étendues à beaucoup d'êtres, parce qu'on ne peut pas faire l'économie de ça, je trouve, tout en dénonçant le système qui fonde ça et qui fait qu'en fait on est pratiquement obligé de supplier ou de faire des pressions sur un groupe d'individus qui sont octroyés des intérêts supérieurs entre guillemets. Ça c'est le point politique, quoi. Je veux dire, quand on se bat dans un truc, faut pas oublier l'autre, et élargir, c'est aussi s'attaquer au centre. Des fois on continue d'élargir mais sans remettre en question qu'il y a des gens qui ont un pouvoir d'élargir et qu'on met 50 ans à l'obtenir d'eux parce qu'ils ont trop intérêt à ce que ça reste comme ça. Donc moi je vois le combat sur deux plans, élargissement et attaque du noyau, d'un point de vue politique, peut-être éthique au niveau de la... Parce qu'on peut aussi critiquer l'humanisme pour priver de tas de droits des individus, enfin voilà. Donc c'est pour éviter ce piège. Mais alors du coup concrètement tu vois ça comment? Ben, continuer à faire des actions pour élargir comment on appelle ça, la communauté morale aux animaux, tout en critiquant le pouvoir de, enfin, je sais pas comment dire, tout en attaquant les intérêts supérieurs, quoi. Se battre pour que les intérêts fondamentaux soient étendus à un maximum d'êtres. Parce que j'ai l'impression que le problème derrière, c'est la question de l'identité, de la définition, du groupe d'appartenance. On a l'impression qu'on n'a jamais pu se passer de ça. Moi, je me méfie beaucoup, parce que quand on dit que quelque chose n'a jamais pu être, ça justifie qu'il faut... Et j'ai l'impression que c'est ça le problème de fond, parce qu'on va remplacer l'humanité par autre chose qui posera problème. Est-ce que c'est impossible d'imaginer des différences à égalité, quoi, qui ne soit pas tout de suite un système de domination? Oui, alors moi je pense que un des problèmes de fond, puisque tu les adores, je reviens, c'est un peu ma marotte, mais je ne suis pas une femme de la chance, c'est quand même dans les mœurs humaines sur Terre l'absence de jouissance. On peut dire joie aussi. Mais jouissance au sens magnifié, total, il y a tous nos gens qui nous gouvernent, tout notre mode de consommation, c'est des petites jouissances à court terme. Les gens modernes sont des petits jouisseurs à court terme. Il y a un déficit de jouissance tellement on a massacré cette énergie au départ, quand on pense qu'il y a 50 ans, on mangeait les bébés, les jambes attachées dans les crèches, suspendues sur les fils, on sapait immédiatement l'énergie de l'enfant. Et bon, sous mille formes actuellement, on le fait encore. Quand on met trop tôt des gadgets dans les mains pour que l'enfant s'évade, au lieu de jouer de son existence, de son être, de son bien-être, il faut vraiment aborder un jour l'histoire de la jouissance sans côté libidineux et péjoratif. Mais il y a mille choses à dire, il y a mille tentatives qui ont été faites dans l'histoire de l'humanité, il y a des choses à recueillir. Et moi, ça me passionne parce que je vois la fin de la cruauté dans ce fondement-là. On est vraiment, on glisse dans l'autorité, la domination par manque de jouissance. Mais attention, c'est subtil ce que je veux dire. C'est pas envoyé en l'air comme on regarde les femmes de tantrisme d'Internet. Attention, il y a beaucoup, il y a un marché, il y a un supermarché maintenant. Non, il y a encore des connaissances qu'on peut se transmettre, acquérir, expérimenter sur nous-mêmes, qui sont magnifiques. On voit tout de suite la différence entre quelqu'un qui est planté dans son énergie et quelqu'un qui est dépossédé de son énergie. Et ça revient à voir que le mode de la sexualité, là on peut en parler après, quel mode de sexualité le plus réjouissant, le plus épanouissant, mais l'énergie elle-même, celle qui fait reverdir les hommes à printemps. Donc, allez voir l'exposition Bête de sexe je sais que ça peut être discuté, mais au Palais de la Découverte, c'est incroyable. La magnificence de la sexualité chez les animaux. Moi, je suis persuadée qu'on en est jaloux, inconsciemment jaloux. Les pans, les jaloux, les choses. Attends, ok, ok. Merci. Bête de sexe. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait aussi sûre que tout repose là-dessus, parce que j'ai lu un livre qui s'appelle Le concept du continuum, et qui parlait d'éducation, et notamment ça se passe, c'est quelqu'un qui est allé du coup en Amérique du Sud et qui a côtoyé des primaires, je ne sais pas trop comment on va les nommer, et donc là-bas, bien évidemment, ils ne sont pas soumis du tout aux mêmes choses que nous en Occident. Ils sont beaucoup plus respectueux de l'humain dès sa naissance, avec le bébé va dormir à côté des parents, etc. Donc on n'est pas du tout dans le système occidental. Et pourtant, par rapport aux autres peuples d'à côté, ils se considèrent comme supérieurs. Ce sont eux les humains. Les autres ne sont pas des pourtants. Et pourtant, c'est des peuples disaient qu'il y avait à un moment il fallait qu'ils déplacent un canoë très lourd, machin. Alors il y avait les occidentaux et ceux de cette tribu qui les aidaient. À chaque fois qu'il y avait un obstacle physique, les occidentaux en faisaient tout un pataquès. Et eux, ils rigolaient, y compris quand ils s'écorchaient le dos contre un rocher, parce qu'ils écrasaient contre un canoë et un rocher, ils rigolaient. Donc ce n'était pas du tout la même façon de voir la vie. Et pourtant, ils se considéraient comme supérieurs aux autres humains. Et bien évidemment, par rapport aux autres animaux, ça va de soi. Donc c'était pas aussi simple, même si bien évidemment, c'était dur que le plaisir est fondamental, si on le fait, c'est plus difficile. Mais voilà, peut-être pas suffisant. Et pour essayer de répondre, c'est pas, je pense que ce n'est pas vraiment une réponse à ce que tu dis. Je pense qu'il faut, que ça ne peut pas être le fer de lance de l'ensemble de l'effort militant. Je pense que par contre, il y a quelque chose à faire de ce côté-là, c'est-à-dire qu'on peut ébranler, on peut essayer d'ébranler l'édifice spéciste de ce côté-là, créer une fragilité, créer une sorte de faille, rompre un tabou, et puis... Je pense que rien que le fait d'éclairer le fait que la notion d'humanité, on peut la considérer non pas comme une notion qui va de soi, mais comme un construit idéologique lié à un système de domination, ça peut ouvrir des portes à plein de gens quand même, et être vraiment un truc par lequel s'engouffre une critique qui un jour pourra se révéler importante. Alors, ben, éventuellement, mais c'est un petit peu comme la critique du spécisme en soi. Je pense que c'est une critique qui est assez fondamentale d'un point de vue politique. C'est une critique qui ne va donner des fruits, c'est clair, pas avant des décennies, si elle en donne jamais. Et à mon avis, il faut vraiment pas qu'on fasse l'impasse dessus. Parce que c'est ce qui peut permettre, à un moment donné, de passer de victoire ponctuelle, partielle, à un truc général, quoi. À une victoire globale. Et à l'heure actuelle, lutter sur ces fronts-là, ça peut sembler être vain et peut-être pas contre-productif, mais en tout cas non-productif, quoi. Mais j'ai l'impression que non, enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment... se laisser la possibilité de saper des fondements de façon à ce que dans peut-être 50 ans l'édifice puisse s'écrouler. Enfin, moi, je crois que c'est Oscar Horta qui, aux discussions, aux conférences qu'il y a eu au moment de la Vigipra et de la Genève, je crois que c'est lui qui disait il y a 200 ans, au moment de la Révolution française, il y avait une critique forte du spécisme qui avait été faite, on n'en serait sans doute pas là aujourd'hui. Donc, moi, j'ai envie de... Je pense qu'il est raisonnable aujourd'hui de raisonner à long terme. Je suis assez pessimiste dans le court terme. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des améliorations remarquables, des éclaircissements, des enjeux remarquables qui apparaissent en particulier en France depuis quelques années, qui était le pays le plus fermé jusqu'à il n'y a pas longtemps et qui commence à y avoir des vraies discussions sur plein de points par rapport aux animaux, y compris le fait que déjà qu'aujourd'hui parler en France d'abolition de la viande, c'est quelque chose qui paraît presque naturel qu'on puisse en parler. Par contre, je pense que si on regarde la masse de souffrance dans le monde, je ne veux pas dire, mais on va pas parler des insectes, par exemple, parce qu'on va parler des choses concrètes et immédiates. Je pense que pendant très longtemps, on avait un petit peu cette attitude aussi là par rapport aux poissons. C'est-à-dire que les poissons, c'était tellement, on disait, c'était tellement une masse de souffrance, on parlait que des abattoirs. Bon, là, avec le chiffrage qui a été fait, on se rend compte que les poissons, c'est vraiment, c'est peut-être 10, 100 fois plus de souffrance que ce qui se passe dans les élevages, les abattoirs, quoi. Et qu'en même temps, on se dit, mais c'est difficile d'en parler, quoi. Les gens, ils vont pas dire, c'est super, je suis un ami des poissons, quoi. C'est des choses. Donc je pense qu'à un certain niveau, moi, je pense qu'il faut absolument pas opposer les différentes approches, quoi. Je pense que les choses, tout mouvement social est pluriforme, tout mouvement social, il y a des secteurs de la société qui sont bien plus en avance par rapport aux idées que d'autres. Il y a des gens qui aujourd'hui dans leur tête en sont encore, je dirais l'homme de Cro-Magnon, mais au moins avant l'homme de Cro-Magnon, quoi. Je veux dire, en France, à côté de nous, et puis il y en a d'autres qui sont qui parlent d'antispécisme, c'est. Je veux dire, et puis dans le monde, les différents pays, c'est des vitesses différentes, les différents strates dans les différents pays, c'est vraiment. Il n'y a pas à se dire. Il faut avancer sur tel truc, il y a tel truc qui marche, il y a tel autre truc qui ne marche pas. L'ensemble des choses marche à condition. Enfin, c'est un processus coopératif, c'est un processus de synergie entre les différents aspects. Alors, moi, là, je proposerais bien qu'on essaye le fonctionnement en petits groupes dont je parlais. C'est-à-dire qu'on se mette avec les personnes autour de soi pour essayer de discuter donc, de façon, pendant par exemple une demi-heure, sur le thème. Ça peut être aussi sur comment intervenir là-dessus, mais ça peut être aussi sur les problèmes que ça nous pose tout ce que ça nous évoque. Ça peut être dans une optique donc aussi de chercher comment intervenir concrètement là-dessus pendant une demi-heure, et ensuite qu'une personne du groupe fasse un rendu rapide devant l'assemblée qu'on recrée sur ce qui a été discuté, les conclusions qui ont été tirées ou les points un peu forts qui sont apparus. Et bon, ça implique que du coup, si on fait des petits groupes, que les discussions qu'on tient en petits groupes, on les fasse à voix relativement basse, parce que sinon ça va être un capharnaüm. Voilà. Il y a aussi d'autres espaces, oui, un peu. Il ne faut pas s'éloigner trop. Hein. Vous êtes partant? On fait ça, les petits groupes? C'est un peu scolaire, mais enfin. Ouais. Ouais. Je crée un groupe. Ben, c'est aussi que. Ouais. Vous voulez qu'on fasse un petit peu scolaire? Qu'elle se juxtapose et qu'on ne met pas en question le nœud du problème. Mais c'est quoi le nœud du problème alors? Eh bien, c'est la création. Et quand on élargit, c'est bien aussi l'état de l'être. Et ça marche quand même un peu. Mais on n'attaque pas le noyau qui crée cette machine qui est à l'intérieur. Ce noyau, comment tu le caractérises? C'est les décideurs politiques, c'est les dominants qui ne lâchent rien. Moi, le problème que je vois là, à ta question, Isabelle, mais c'est que ça reviendrait à se focaliser sur des groupes cibles au lieu de se focaliser sur les rapports sociaux qui sont en cause. Parce que, par exemple, ça reviendrait à se focaliser sur les groupes qui sont détenteurs du capital à l'heure actuelle et non plus sur le rapport social capitaliste, par exemple. Tu vois ? Ou sur le groupe des politiciens et non pas sur le rapport social démocratique. Je ne sais pas comment dire. Pour moi, ça reviendrait un peu comme un truc des complotistes qui focalise sur des groupes réels cibles et plus sur sur système social lui-même. J'ai peur de ça. Par exemple, quand la libération féministe, moi à un moment je me suis posé la question, est-ce que je voulais être égale des hommes, c'est-à-dire est-ce que si je suis un peu par rapport aux hommes, les animaux tous, c'est pareil, les hommes ils reprennent, donc voilà, et c'est ça, tant que les dominants remettent pas ce genre de domination, on est fou, mais c'est vrai que ça. Naturaliser ça, la domination. En tout cas, c'est En tout cas, ça fait partie des possibles. Oui, c'est possible aussi. On n'est pas obligé de ni les animaux, ni... Déjà, on n'est pas obligé d'être là-dedans, et en plus, les animaux, c'est pas que comme ça. En tout cas, ils n'ont pas des systèmes de domination aussi. Ceci dit, il y a un exemple, alors dans Kit Lag, notre sujet d'immunité, mais il y a eu un truc que j'étais halluciné quand j'ai appris ça. Mais chez les babouins, il y a une dominance forte, et qui est une dominance des mâles. Et en fait, il y a un groupe qui était suivi où tous les mâles ont bouffé de la viande avariée en premier, et c'est eux qui sont morts. Et le groupe s'est retrouvé qu'avec des femelles et qui ont complètement changé l'étude de rapport au sein du groupe et qui acceptent des mâles nouveaux dans le groupe que à condition à ce qu'ils plient au nouveau rapport. C'est-à-dire qu'elles ont créé une nouvelle culture politique. C'est hallucinant. Alors là, je vais les référer. Oui. Non, mais c'était par rapport aux histoires de domination ancrée dans une nature. C'est, même chez les babouins, oui, c'est pas naturel, en fait, c'est construit aussi, ça peut se déconstruire. Ici on ferme toutes les portes et qu'on est à 48 heures, il n'y a plus d'oxygène, on va certainement se tout se couler, je ne sais pas, mais c'est pas assez naturel. Et sinon, pour reprendre sur l'idée d'humanité, la question que j'avais envie moi, de discuter, c'était comment, de quelle façon on pourrait la subvertir, la fragiliser, la critiquer, de façon un peu pertinente, un peu ce qui frappe les gens. Quoi. Moi, ce qui me semble peut-être intéressant, c'est de voir si on a une attaque trop frontale. Pour moi, la notion d'humanité, elle n'est pas forcément, c'est pas forcément manichéen. Ça peut être, on arrive à des époques où certaines notions, certains concepts deviennent obsolètes et on doit passer à autre chose. On doit déconstruire une notion qui a été utile. Par exemple, tu dis que c'était anti-éthique. Je pense que ça n'a pas été forcément anti-éthique parce que pendant un moment donné, ça construit la solidarité avec des gens qui sont massacrés à l'autre bout de la planète. Et que forcément après ça reste limitatif, donc c'est un outil qui va être intéressant jusqu'à un point donné d'évolution et qu'à un moment on doit l'abandonner pour passer à autre chose, et que si on montre plutôt en quoi ça a fait partie d'une construction culturelle pendant un moment donné, mais qu'on peut la dépasser, qu'il y a encore plus loin, alors que les gens voient une sorte de fin en soi. Ils ne voient pas plus loin que le cercle de l'humanisme, en fait, alors qu'il faut voir ça peut-être comme une étape de construction pour beaucoup de personnes. La construction vraiment d'appartenance à un groupe au niveau planétaire, etc., ça a permis beaucoup d'avancer, mais que ce n'est pas une fin en soi. Et donc ce serait peut-être une percée qui soit moins dire l'humanité c'est de la merde, l'humanisme c'est vraiment une construction qui est pernicieuse en soi. Moi, je pense que ça peut devenir pernicieux et ça peut l'être à un moment donné si on continue à être accroché à cette notion-là, alors qu'il faut évoluer et vivre avec une autre, quelque chose de plus fluctuant, de plus ouvert, etc. Le fait de par exemple dire que l'humanité elle se construit en opposition, c'est que tout concept se construit en opposition. Le froid par rapport au chaud, le grand par rapport au petit, et c'est pas forcément. Non, pour toi, toute chose se définit dans un système parce qu'il n'est pas aussi. Quoi. Donc on va pouvoir définir forcément l'humanité contre avec d'autres choses, mais c'est pas forcément par négation. Hein. On va chercher une spécificité peut-être dans l'humanité, mais c'est pas forcément par négation contre autre chose. Est-ce qu'elle doit être à tout prix construite contre l'animalité, sur l'humanité. Et je pense pas que c'est forcément le cas. Tu dis que c'est un concept qui est qui a été utile. Moi, je ne juge pas à certaines. Dire ça peut être une construction qui a été utile à certains, enfin, bon, dans une construction. Et donc, elle serait remise en question non pas par une construction plus utile ou plus meilleure, mais par la remise en question de l'exclusion qui bah, elle a fomenté aussi une inclusion. Oui, non, mais elle n'a pas fomenté que l'exclusion. Mais là, toi tu dis, on va la remettre en question pour une conception meilleure, je ne sais pas. Alors moi, je dis, elle est remise en question de fait par les exclusions qu'elle a créées. Voilà. C'est ça en fait, après c'est une réflexion, qu'est-ce que je suis, je suis humain, c'est-à-dire c'est peut-être moins polarisé, je suis homme, je suis blanc, je suis, donc c'est déjà une notion plus élargie en termes d'exception, je suis un humain, et après c'est cette réflexion-là qui est précieuse, je dis, qu'est-ce que je suis, donc, si effectivement on est dans des mécanismes d'identification primaire, on va dire, bah, je suis humain, donc je suis, c'est-à-dire je me détache d'un tas d'animalité, etc. Et je suis forcément supérieur à ça. Ça, c'est un mécanisme fleuri, mais je pense qu'il y a des mécanismes d'identité qui sont. Je peux dire je suis homme, je suis, mais je ne dis pas que la femme est moins, c'est-à-dire que je suis homme, c'est juste. Donc, je peux dire. On peut se poser ces questions, si on se pose la question, qu'est-ce que c'est qu'être humain ? T'as peut-être plus besoin de dire que t'es homme, ça vous... Bien sûr. Bien sûr. Mais justement, si je dis, je vais dire je suis humain. Et si je dis je suis humain, est-ce qu'on va dire qu'est-ce que c'est qu'être humain ? Quand tu dis je suis humain, tu dis je suis un homme. Mais si, c'est... Mais de fait, tu dis ça. Bien sûr que c'est... Je suis un être humain. Pour moi, dire être humain, c'est une catégorisation qui englobe l'homme et la femme. C'est pas pour toi, c'est de fait, l'hétérosocialité, c'est ça. D'accord. L'hétérosocialité, c'est l'homme qui est le référent. C'est pas une particularité de notre fait d'être humain. Je donnais comme exemple, quand j'ai perdu mon père, je me suis retrouvée seule avec un chat, j'ai bien vu qu'il manquait quelque chose tout à fait spécifique d'échange, de communication avec la mère qui avait un peu le même fonctionnement. Et là, j'ai vu les limites de l'émotion pour dire, il n'y a pas de doute qu'on a besoin d'échanger avec les chansons de la. On n'y pas ça. Oui, oui. On lit le pouvoir de domination des hommes. On n'y pas le fait qu'il y ait des hommes et des femmes. On pourrait, mais c'est pas ça. Parce que c'est très limitatif d'être servi par des émotions qui nous mettent dans des rôles. Oui, mais c'est un autre enfant. Alors, Yves. Regardez ça, c'était des propositions d'autocollants qui avaient été faites en 98. Hein. L'humanisme, c'est une idéologie de mépris et de domination. Moi, je dirais si la nature existait, il faudrait s'en débarrasser. Vas-y, quand vous avez une nature d'écologie, c'est très limité. Oui. Et du coup, je me dis, ça peut peut-être donner des idées, ça, sur... Ah oui, oui, oui. Ah oui. Moi, je ne suis pas catho, mais quand on dit essentialisme, c'est un terme qui est repris par un groupe spirituel qui se démarque tous les temps, ils définissent tout et qui essaie de creuser cette idée. Qu'est-ce que l'essentialisme ? Ils sont assez réductifs. Moi, je ne Je connais pas. Mais là, je me demandais, dans la mesure où des trucs comme ça, là, dans quelle mesure ça peut avoir une portée ? Là, il y a marqué l'humanisme est une idéologie de mépris et de domination. Et puis ensuite, comme la signature, c'était la revue pour l'égalité animale, ça expliquait un peu de quel point de vue tu parlais. Mais je ne sais pas comment ça peut être pris, un truc pareil. Bah pour moi, c'est intéressant, en fait, ça suscite une réflexion. Et tu dis, ah oui, alors, on peut avoir cette approche-là, qui soit une approche négative. Moi, c'est pareil, c'est des messages comme ça. Mais après... Mais par contre, moi, c'est génial, je disais ça. Mais son humanisme. Ça, j'ai non, mais c'est trop. Hein? Moi, je veux pas. C'est drôle. Non. Oui, ça sera pas compris. Oui, je suis pas très d'accord. Il y a des milieux militants où, au moment, ça ne fait pas réfléchir, ça crée une position très élevée. Je ne sais pas, par exemple, moi, c'est dans des droits de l'homme, tout simplement. Est-ce qu'il n'y a pas un autre de là pour toutes ces positions? C'est ça que j'appelle métaphysique. Est-ce qu'il n'y a pas un au-delà, c'est pas religieux, mais qui si concerne la force et la vérité, c'est pas tout le monde. Ça crée des scandales. Mais bon, ça crée une brèche. Pour moi, c'est ça, c'est surtout que ça crée une brèche, en fait, à un attachement. Si on a un attachement, pour moi, on ne doit pas être plus attaché à ça que... Je peux pas être convaincu plus de ça que de l'autre, quoi. Ni l'un ni l'autre, ça me semble être la moitié de la... C'est regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est quoi ton idée de la slogan? Ben là, je me disais que comme humanité, virilité, c'est des trucs assez proches au niveau du construit, je me demandais comment ils visibilisaient. Mais humanité, virilité, même combat, ça sera incompréhensible par Dans le film qui est passé par vous, sur l'idée, il y a 100 milliards, ils ont dit comment ils mangent la viande, c'est une question de virilité. Ah oui. C'est un signe de richesse aussi. C'est surtout un signe de privilège. Après, évidemment, les privilèges de qui c'est pas l'histoire reliée au virilisme. Je suis pas d'accord. Ça rejoint un peu dans les tribus primitives, les villes primitives. Moi, j'ai des vies, c'est qu'il y a un signe de sa force. Il y a ça aussi. Et puis, en fait, ce n'est pas le corps sexuel, c'est le corps. Non, je crois pas. J'ai hésité à en apporter un autre et puis. Moi, je m'étais dit, c'est peut-être un truc qui pourrait valoir le plus, serait de faire un manifeste contre la dignité humaine. Mais il y aurait intérêt à être super précis dans ce qu'on dit, quoi. Contre validisme. Alors, par ailleurs. Oui. Et pourtant, c'est pas une notion qu'on peut dépanner. Comment par exemple on a photographié un intouchable à la sortie d'un temple, ils sont interdits d'aller au temple. C'est des témoins que des amis. On a recouvert, alors comme l'État dit qu'ils peuvent entrer dans le temple, et la police a protégé un cadre qui empêchait, il y en a un qui a été recouvert d'excréments. Je revois encore la photo, couvert d'excréments. Et le regard, c'est. Il n'y a pas d'autre mot que cela. Quelque part, je n'ai pas trouvé une boulangerie, un regard couvert de terre, avec tous les journalistes français. Ce n'est pas facile de rentrer le cerveau, non. De rester. La difficulté, c'est que c'est plus facile de reconnaître ce qu'on inflige aux autres ailleurs, que de voir ce qu'on fait nous-mêmes, ce qu'on reproduit nous-mêmes et en quoi on est privilégié. On est privilégié, mais on a des grandes souffrances. Oui, non, mais ça, c'est n'importe qui a des souffrances. Dans ce que tu décris pour exprimer la valeur de la dignité, moi je vois aussi l'inverse. C'est-à-dire qu'un autre mec qui aurait découvert des informations qui seraient complètement à l'eau, qui seraient disposés, je dirais, à chez toi. Comme certains APF, fait, il serait quoi? Alors, il serait pas digne. Je veux dire, tout de suite, ça catégorise. J'ai peut-être un peu d'admiration, mais je me dis. Non, ça caractérise une conscience de soi qu'on n'avait pas réussi à lui enlever. Alors, oui, moi, j'ai dit. Oui, mais inverse, celui qui aurait été complètement démoli par cette action, tu l'enlèves. Donc, ça a cette valeur-là. Du coup, si vous avez vu, les valorisations de eux, malheureusement, certains ont intégré le fait qu'ils sont malades. Donc, la peur. Oui, j'ai dû prendre le fait parce que c'est ciblé, ce sont les affichables. Ce sont les affichables qui sont. C'est grave, c'est qu'il y a 250 millions de gens qui sont malades. Oui, mais on peut nous la retirer très tôt, c'est une. On peut ne pas l'accueillir, on peut dès la naissance nous l'enlever. Ah oui, voilà, ça, bah, donc, c'est l'éducation. Michel, regarde là. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, les autres groupes ont l'air bons. Mais. Quand je parlais là de style un manifeste contre la dignité humaine, c'est clair qu'il faudrait soit une critique de l'idée de dignité humaine au nom de, par exemple, de l'égalité ou un truc comme ça, parce que sinon c'est contre-productif. Je trouve qu'employer le mot validisme, c'est intéressant aussi, parce que je pense que les gens comprennent plus vite quand on reprend une culture. Parce que les gens commencent à savoir ce que c'est. On sent que invalidé et validé, c'est quelque chose d'actif, c'est pas quelque chose qui serait donné comme on le sent. Je n'ai pas compris moi. Le validisme par rapport à l'unité. Oui, moi j'ai pensé que c'était autre chose. Non, j'ai. Je vois pas le lien encore. C'est pas, ça serait autre chose, en sens que ça me semble que je préférerais critiquer l'histoire du validisme plutôt que de la dignité. Mais là où on en est actuellement, on ne peut faire que des approximations. On va vers la partie, mais avec le langage du pouvoir, on ne fait pas. Oui, parce que ce que je comprends pas, c'est le lien qui fait entre le validisme et la dignité humaine. Quelqu'un qui ne soit pas reconnu comme être valide dans la société, c'est avoir toutes les. Ça allait peut-être à ce que tu disais tout à l'heure. Tous les attributs et être digne. Il faut toujours réaffirmer tout ça. C'est ça, être validé. T'es validé ou tu l'es pas. Et tout le temps, on te valide ou on ne valide pas. C'était dans son salle validité. En fait, je prends mon les handicapés comme exemple. Mais c'est pour être large. Je n'ai jamais pensé comme ça. Ouais. Le validiste Moi, j'ai peut-être des gens qui ont remis en question le validisme justement par rapport au handicap. Moi, j'ai fait mien avec d'autres liens, je ne sais pas. Est-ce qu'on parle d'handiphobie ou de handiphobie? Oh là là. Oui, mais je trouve que c'est bien comme terme général. Il y a le terme de validation. T'es validé par qui valide par la société. Qui a le pouvoir de valider si t'es ça ou ça? C'est le groupe dominant. Qui te reconnaît doit exister. Oui, mais j'avais jamais vu avec ce sens, c'est un sens large du coup. Je suis arrivée avec une vie. Une vie, en fait. voilà. Non. Moi, je. Et en fait, comment ça Et en fait, il ne voulait pas parler de cœur du corps de Valide. Et là, ça m'a profondément. Les gens qui ont Non, mais il y a de, oui, il y a de ça, c'est effectivement. C'est plus. C'est, oui, mais ça. Ça se... Voilà, on arrête et on restitue ce qui s'est dit. Voilà, on arrête et on restitue ce qui s'est dit en groupe. Ils se sentent trop bien dans leur groupe. C'est ce que je vois. Moi aussi. Oh les humains, là. Toi, t'as pris des notes. Mais j'ai pris des notes. J'ai rien à dire. On n'a rien dit de très. On n'a rien dit. Il m'en reste une ou deux, là. J'en ai plein parce que je l'ai fait ailleurs. J'en ai sûrement. T'en as amené que deux ? Ouais, je crois. Il y a celui-là qui a consulté sur place. J'ai amené tout ça à consulter sur place. Ouais, c'est parce que je suis pingre. C'est un peu agiste, hein, quand on est presque ça, c'est le prix de la carotte. Allez, les groupes font un retour. Allez. Et là, oui, mais moi. Viriliste, c'est ça. Oui, effectivement. Mais je ne sais pas s'il n'y a pas le même enseignement. C'est gay, vegan. Ah, d'accord. Voilà, c'est bon. Allez. Non, mais moi, je ne saurais pas quoi dire de ce qu'on a dit. Tu laisses parler les autres groupes. Mais oui, c'est ça. Ça sera fait. Qui c'est qui fait un retour de son groupe ?